Nous allons maintenant traiter le sujet de dissertation suivant. L'art nous éloigne-t-il de la vérité? Donc, ce sujet porte sur deux notions du programme de philosophie relevant de deux domaines de réflexion très différents, puisque la notion d'art relève de ce qu'on appelle la philosophie de la culture, tandis que la vérité est une notion épistémologique qui, dans le programme, est inscrite dans le thème « La raison et le réel ». Ce croisement ne doit cependant pas surprendre, car les sujets de baccalauréat invitent souvent à croiser les notions entre différents domaines de réflexion. D'une part, l'art est une notion qui renvoie à un ensemble de pratiques culturelles, de pratiques créatives et expressives, telles que la peinture, la musique, la sculpture ou la danse, le cinéma, le théâtre, voilà, des pratiques assez différentes les unes des autres. Mais donc c'est une notion qui renvoie à des réalités très concrètes, hein, au travers de métiers et de savoir-faire, mais aussi d'espaces physiques, où les œuvres d'art sont montrées, exposées, comme les musées, les théâtres, les cinémas. En revanche, la vérité est une notion beaucoup plus abstraite, puisque qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la valeur qu'on attribue à un énoncé ou à une représentation mentale, dans la mesure où cette représentation ou cet énoncé correspond bien au fait qu'il décrit, au fait sur lequel il porte. Ainsi, la vérité est la valeur qu'on attribue aux connaissances, entendu que les connaissances sont un certain type de représentation mentale. Ce sujet met donc en relation l'art et la connaissance. Donc, il nous invite un petit peu à nous poser la question de savoir si l'art apporte ou non une certaine forme de connaissance. Et si c'est le cas, de quel genre de connaissance s'agit-il? Est-ce que c'est le même type de connaissance que celle établie par les sciences, hein, sachant que les sciences sont les disciplines dont c'est la tâche propre, la tâche spécifique, que d'établir des connaissances objectives en s'appuyant sur des méthodes rigoureuses et admises au sein d'une communauté scientifique. Bon, évidemment, si on dit que l'art apporte des connaissances, il faut se poser un petit peu la question du rapport avec ces connaissances-là. Mais bon, si ce n'est pas le cas, si l'art ne vise pas la vérité, il faut se demander à quoi sert-il, quelle est sa fonction. Voilà, c'est un petit peu ces différentes pistes de réflexion qu'il va falloir aborder pour traiter ce sujet. Donc à partir de cela, à partir de ces éléments, on va construire notre introduction. Nous allons maintenant rédiger. L'art renvoie à une grande diversité de pratiques culturelles. Celles-ci ont en commun de donner lieu à la réalisation d'œuvres ou de performances proposées à un public. Ces dernières, donc ces œuvres et ces performances, sont l'expression de l'imagination des artistes. Donc a priori, l'art ne semble pas viser la connaissance, mais plutôt l'originalité, hein, l'originalité à laquelle donne lieu une libre création. On peut ainsi penser que l'art est éloigné de toute recherche de vérité. Hein, ce n'est pas l'objectif de l'artiste. L'objectif de l'artiste est peut-être de porter un message ou d'exprimer certaines idées, certaines émotions, mais ce n'est pas la vérité à proprement parler qu'il cherche à exposer. Il n'est pas dans une démarche de simple reproduction du réel qui existe déjà. Bon. Il cherche plutôt à offrir, d'une certaine façon, à ses spectateurs des illusions plaisantes. L'artiste s'efforce, au travers de ses œuvres, de construire un monde imaginaire dans lequel ses admirateurs pourront s'immerger. On peut penser typiquement au cas des spectateurs qui vont au cinéma et pendant 1h30, 2 heures, en regardant un film, ils vont sortir un petit peu de la réalité et s'immerger dans un monde différent du monde réel. Bon, cependant, lorsqu'il produit son œuvre, On peut se demander si l'artiste n'est pas obligé de s'inspirer de modèles qu'il va nécessairement trouver dans la réalité. Hein, ça paraît difficile d'imaginer que l'artiste parte de rien, crée ex nihilo, à partir d'aucun modèle. Hein, évidemment, la création, elle s'appuie toujours sur une perception préalable. Hein, l'imagination ne construit pas à partir de rien. L'imagination, c'est aussi une reconstruction à partir d'éléments perçus dans le réel. Mais en ce sens-là, si l'œuvre d'art est inspirée du réel, est-ce qu'elle n'est pas susceptible, à sa façon, de véhiculer certaines vérités provenant de ses sources d'inspiration? Est-ce qu'elle ne va pas être une manière de connaître ses sources d'inspiration? Plus encore, est-ce que l'artiste n'est pas capable de révéler des vérités en jetant sur le monde un regard neuf? Voilà. Est-ce que la perspective de l'artiste n'est pas une façon de connaître le réel d'une façon détournée? Pour cela, nous traiterons ce sujet en trois parties. On verra dans un premier temps que l'art est d'abord une création d'illusions, en examinant les aspects peut-être positifs et négatifs de cela, mais on verra c'est d'abord cette perspective, l'art comme création d'illusions. Cependant, dans ce second temps, nous verrons que l'art s'inspire du réel et exprime donc un fond de vérité. Et enfin, on verra que, dans la continuité de cette seconde partie, dans une troisième partie, nous verrons que l'art est peut-être une manière détournée d'accéder au vrai.